Deuxième partie, la liseuse. Chapitre 17, la date. Tourne en maillot de bain! Crièrent trois voix à l'unisson. Ophélie avala de l'eau brûlante, la recracha par le nez, puis contempla au travers des gouttes qui déformaient sa vision la vapeur suspendue dans l'atmosphère et les mosaïques des thermes. Évidemment, il n'y avait pas ici de tourne en maillot de bain, ni de tourne tout court d'ailleurs. Ophélie essuya ses lunettes et se tourna vers ses trois petites sœurs, coiffées de Charlotte, qui éclatèrent aussitôt de rire en se tortillant dans l'eau. « Vous m'avez bien eue !» admit Ophélie de bon gré. « La vapeur était en train de m'endormir. J'y ai presque cru. » Léonore pataugea vers elle et la serra par la taille. « Mais pour de vrai, quand est-ce qu'on le verra, notre nouveau beau-frère? Il ne nous a pas encore rendu visite une seule fois. » Attendrie, un peu gênée aussi, Ophélie glissa derrière l'oreille de sa sœur la frisette rousse qui s'était échappée de sa Charlotte. Il lui semblait que c'était hier qu'elle lui apprenait, très mal, à animer ses jouets. Elles avaient plusieurs années d'écart l'une et l'autre, et pourtant, Léonore la dépasserait bientôt en taille, comme l'avaient déjà fait ses autres sœurs. Parfois, Ophélie se demandait pourquoi elle était la seule enfant de la famille à avoir été affublée d'une si petite poussée de croissance, d'une vue de taupe et de cheveux impossibles, à croire vraiment que Dame Nature l'avait prise en grippe. « Ah, ça !» dit-elle. « Thorne est un homme terriblement occupé. »« Et terriblement impoli !» intervint Domiti d'un ton sévère. « Maman est de plus en plus déchaînée par sa faute. C'est vrai qu'il ne veut pas nous voir ?» Béatrice souffla furieusement des bulles sous l'eau pour souligner cette déclaration. Les petites sœurs d'Ophélie se ressemblaient comme des triplettes, mais chacune possédait une personnalité bien définie. Léonore, la plus jeune, était une sensuelle qui aimait toucher les matières et coller son oreille contre la mécanique des objets. Béatrice exprimait toutes ses émotions à l'état brut. Elle riait, elle pleurait, elle hurlait, elle jurait, mais on ne pouvait pas lui arracher une phrase complète. Quant à Domiti, l'aînée des trois, elle était dotée d'un puissant instinct protecteur. « Ce n'est pas vraiment la question, » dit Ophélie. « Il a juste énormément de travail. » Thorne ne répondait plus au télégramme de Bérénilde depuis 2 semaines et les animistes commençaient à vivre ce silence comme un profond manque de respect. Avait-il seulement écouté Ophélie quand elle lui avait demandé de faire meilleure impression à sa famille? Le mariage n'était que dans 5 jours. « Tu n'as pas l'air de te rendre compte, » dit Domiti en fronçant les sourcils. Ça va bientôt faire un mois que nous sommes là. C'est très chouette de se baigner ensemble, de se promener sur les rochers ensemble, de cueillir des baies ensemble et tout, mais tu ne nous racontes jamais rien. Il n'y a pas grand-chose à raconter, bredouilla Ophélie. Elle s'en voulait déjà d'avoir parlé à son grand-oncle des chantages, des menaces, des griffes, des mensonges, des intrigues, des illusions, des disparitions et des assassinats qui avaient rythmé sa vie à la Citatielle. Elle avait dû lui faire promettre de tenir sa langue devant la famille. Il fulminait en silence pour le moment, mais il contaminait de sa colère tous les objets qu'il côtoyait. À l'hôtel, un cousin était tombé à cause d'une rampe d'escalier qui lui avait fait un croc en jambe. « Est-ce que Thorne te traite galamment, au moins ?» insista Domiti. « Est-ce qu'il prend bien soin de toi ? Est-ce que vous vous faites déjà des cajoleries ?» s'empressa de demander Léonore à son tour. « Est-ce que vous allez nous donner plein de neveux ?» Béatrice, quant à elle, se racla bruyamment la gorge d'un air professoral, attendant des réponses à la hauteur des questions. Ophélie chercha du renfort du côté de la tante Roseline, qui faisait des brasses dans le bassin, mais celle-ci opina de la tête. « Tes sœurs n'ont pas complètement tort. À vouloir être un trop bon chaperon, j'ai fait une mauvaise marraine. » « Monsieur Thorne est l'opposé même du mari d'Agathe. Je pense, eh bien, qu'il va falloir te préparer à la suite des événements. » Ophélie aurait voulu disparaître dans les eaux thermales. Plus la date du mariage approchait, plus elle était assaillie de recommandations conjugales, et elle n'avait pas pu avouer à sa famille, par peur de déclencher un scandale, que Thorne et elle ne seraient jamais l'un pour l'autre que des conjoints de façade. Par chance, elle fut cette fois tirée d'affaire par la préposée au bain qui se pencha sur le bassin. « Un message est arrivé à l'accueil pour vous, mademoiselle. » C'était Thorne qui se manifestait enfin. Ophélie dérapa sur les marches, retira sa charlotte de bain, enfila ses gants de liseuse, puis traversa la longue galerie carrelée, se brûlant les orteils dans les fuites de canalisation qui répandaient des flaques sur le sol. Cette eau de source dégageait une odeur puissante, mais elle était souveraine pour la santé et si chaude qu'elle ne gelait jamais, même au plus dur de l'hiver. « Merci, » dit Ophélie à la responsable de l'accueil qui lui remit son message. Elle était en train de décacheter l'enveloppe quand elle sentit une présence dans son dos. Une cliente de l'établissement l'observait avec une insistance et une proximité parfaitement gênantes. Enveloppée d'un manteau rouge, coiffée d'une chapka de fourrure et chaussée de longues bottes noires, elle n'était même pas apprêtée pour les bains. Ses yeux, durs comme des diamants à l'état brut, se posèrent sur le courrier d'Ophélie comme s'ils avaient un droit de regard sur lui. Peut-être se faisait-elle des idées, mais il lui semblait que cette curieuse ne cessait d'apparaître et de disparaître dans son dos depuis qu'elle était arrivée au sable d'Opale. Ophélie sortit des thermes pour avoir un peu d'intimité et s'assit sur une marche de l'escalier extérieur, ressortit sa lettre de l'enveloppe et l'y remit avant même d'avoir posé les yeux dessus. Elle venait de remarquer les sept sœurs d'Archibald, alignées sur un banc du promenoir comme une collection de poupées sur une étagère. De la Benjamine à l'aînée, elles se ressemblaient toutes tellement qu'elles semblaient décliner une seule et même demoiselle à différentes époques de sa vie. Douce, Clermonde, Mélodie, gaieté, friande, grâce et patience, avaient les yeux ouverts en grand sur Ophélie. Si les prunelles d'Archibald évoquaient un radieux ciel d'été, les leurs tenaient du plus glacial des hivers. « Bonjour, » leur dit Ophélie d'un ton prudent. Les sœurs ne répondirent pas. Elles ne répondaient jamais. Il était rare de les voir dehors. Elles passaient généralement la journée enfermées dans leur chambre d'hôtel. Habituées au velours du clair de lune, elles détestaient cette côte battue par le vent où leurs frères les avaient expédiées pour les éloigner du danger. Si elle recherchait volontiers la compagnie de Bérénilde, qui était pour elle l'unique représentante de la civilisation ici, elle n'avait pas adressé la parole une seule fois à Ophélie, à croire qu'elle était personnellement responsable des malheurs qui avaient frappé leur demeure. Parfois, au détour d'un couloir, elles se retournaient toutes vers elle en éclatant de rire, comme si elles avaient pensé au même moment à une chose hilarante à son sujet. Elle n'avait aucune envie de lire une lettre de Thorne en particulier devant un tel public. Ophélie s'éloigna de l'escalier et longea le promenoir à arcades qui reliait les thermes à l'hôtel à la recherche d'un coin à l'abri des regards. À sa gauche, la mer rugissait contre les plages rocheuses de la ville. À sa droite, à l'orée des conifères, l'eau des marais salants reflétait les nuages sans faire un pli. Les dunes de Selgem étincelaient devant une raffinerie. La ville devait son nom à ses formations qui ressemblaient à des bancs de sable irisé. Et au-dessus de ce monde d'eau, de sel, de végétation et de briques, le ciel fébrile passait sans cesse du soleil à la pluie. Ophélie inspira profondément. Il ne faisait pas plus de 15 degrés et sa peau humide rougissait déjà, mais ce mélange de sucré salé, moitié sapin, moitié marin, la faisait délicieusement frissonner. Après toutes les illusions de la citadelle, Ophélie se sentait ici bien réelle. Son regard s'attarda un instant sur les hommes de sa famille qui jouaient au boule à côté du promenoir. En dignes animistes, ils riaient à gorge déployée, gesticulaient beaucoup et juraient fort, en particulier quand le cochonnet changeait tout seul de position. Mains au fond des poches, ne restaient spectateurs que le père et le grand-oncle d'Ophélie, le premier par timidité, le second par maussaderie. Hé, Ophélie, reste pas seule! « Viens avec !» Ses oncles et ses cousins venaient de la remarquer, figée au milieu du promenoir. Elle déclina d'un geste poli son enveloppe dissimulée dans le dos, puis elle répondit au sourcillement inquiet de son père par un sourire. En un sens, Ophélie était soulagée de voir qu'elle était restée un membre de la famille à part entière, malgré son éloignement. Elle avait pourtant l'impression de ne pas parvenir à rattraper ce léger décalage qui s'était installé entre eux. Personne ne semblait se rendre compte qu'elle n'était plus tout à fait elle-même, ou que peut-être, au fond, elle ne l'avait jamais autant été. Ophélie s'assit sur la balustrade du promenoir, dos contre une colonne, et sortit pour la troisième fois la lettre. À présent qu'elle était enfin à l'aise pour la lire, elle n'osait plus la déplier. Elle se sentait épouvantablement nerveuse. Thorn allait-il lui annoncer sa venue imminente? Il était bien capable d'attendre le matin des noces pour surgir devant l'hôtel, une pile de dossiers sous chaque bras. Le 3 août, dans 5 jours, 5 jours à peine, il serait marié. Ophélie ne pensait plus qu'à cette date fatidique. À quoi ressemblerait une vie commune avec quelqu'un comme Thorn? Ophélie était incapable de l'imaginer, pas plus qu'elle n'était capable de s'imaginer, elle, avec des griffes de chasseur au bout des nerfs et peut-être aussi un supplément de mémoire. Elle eut un regard un peu embarrassé pour les vitres de l'hôtel où les silhouettes de ses tantes et de ses grands-mères se consacraient aux préparatifs avec de grandes gesticulations. Leur animisme était si surexcité qu'Ophélie voyait d'ici les rubans s'agiter au plafond et les nappes blanches frémir comme des fantômes. Des ouvriers accrochaient des lustres de cristal, transportaient des instruments de musique, alignaient des centaines de chandeliers en or. Bérénilde avait dépensé sans compter, désireuse d'offrir à son neveu un mariage digne de ceux qui se donnaient à la cour. Avec une inspiration, Ophélie se décida enfin à déplier son message. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que, contrairement à ce qu'elle avait cru, il ne lui venait pas de Thorn. Mademoiselle, l'ex-vice-comteuse, force m'est de constater que vous n'avez pas pris assez au sérieux mon premier avertissement. Vous m'obligez à vous adresser cet ultimatum, rompez vos fiançailles et ne remettez plus jamais les pieds à la cour. Je vous accorde jusqu'au 1er août pour prendre vos dispositions, faute de quoi, monsieur l'intendant se verra veuf avant même d'avoir été marié. Dieu désapprouve cette union. Ophélie expira pour calmer les battements de sa poitrine. Cette fois, elle commençait vraiment à avoir peur.